Sarah et Drissiker forment un jeune couple modèle à Tanger. Mais un jour, un terrible événement bouleverse leur bonheur apparent. Driss n'a alors plus qu'une seule idée en tête. Retrouver l'intrus qui a bafoué l'honneur de sa femme. Découvrez l'outrage fait à Sarah Iker, le nouveau roman de Yasmina Kadra, disponible aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la cyberattaque de TV5 Monde. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2015, le groupe français TV5 Monde, qui émet dans 200 pays, est victime d'une attaque informatique sans précédent. Pendant 8 heures, c'est l'écran noir. Tous les programmes de la chaîne sont interrompus. Son site internet est mis hors ligne et ses comptes sur les réseaux sociaux sont piratés. Un sabotage méthodique, phénoménal, immédiatement revendiqué par un groupe de hackers, le Cyber Califat, qui se réclame, comme son nom l'indique, de l'État islamique. Nous sommes alors 3 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacheur. Cette attaque résonne donc comme une nouvelle atteinte à la liberté d'informer. C'est aussi une nouvelle forme de guerre qui est déclarée. Les ordinateurs deviennent des armes, les hackers des mercenaires capables de déstabiliser un pays en quelques clics. Maintenant, pourquoi TV5 Monde, cette chaîne-là, précisément, a-t-elle été visée? Quelles étaient les motivations réelles des assaillants? Et surtout, qui sont les commanditaires? Notre invitée Claire Tesson, journaliste, réalisatrice et auteur de nombreuses enquêtes, en mars 2020 pour l'émission Cellule de crise sur France 2, elle signe le documentaire intitulé « Espions et pirates informatiques, la cyberguerre est déclarée ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Dollet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 8 avril 2015, Paris, avenue de Wagram, siège de TV5 Monde. Aujourd'hui, le groupe audiovisuel français inaugure une nouvelle chaîne thématique intitulée « Style HD » dédiée à l'art de vivre à la française, patrimoine, mode et gastronomie en tête. Donc c'est plutôt une bonne journée qui commence. Pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a fait le déplacement et félicité en personne le directeur de TV5 Monde, Yves Bigot. Style HD, comme les 11 autres chaînes du groupe francophone, sera accessible dans plus de 200 pays. Qui plus est, le lancement se passe bien. Alexis Renard, le directeur technique de TV5, est soulagé. Le soir venu, il fait un dernier tour du propriétaire, histoire de s'assurer que tout fonctionne correctement. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il remarque quelque chose d'anormal sur ses écrans de contrôle. Plusieurs voyants d'ordinaire vert passent au rouge. Il pense d'abord à une panne, ça arrive. Mais progressivement, les alarmes se multiplient. Impossible de reprendre le contrôle des machines. Il est 20h30. Malgré l'heure tardive, le directeur technique décide de rappeler une partie de ses informaticiens sur place à avenue Wagram. Ils doivent trouver au plus vite l'origine du problème qui risque de menacer le système de diffusion de la chaîne. Et pour le moment, c'est le serveur qui abrite les emails de TV5 qui ne répond plus. Toute la messagerie interne a disparu, effacée des radars. Or, le seul moyen d'y parvenir, c'est de main d'homme. Donc, le doute n'est plus permis. Une personne malveillante a pris à distance le contrôle du système informatique de TV5 Monde. En fait de panne, il s'agit d'une attaque. 20h58, nouveau coup de boutoir. Tous les comptes Twitter et Facebook de la chaîne sont piratés. Ils prennent alors les couleurs d'un certain Cyber Califat, obscur groupe de hackers se revendiquant des djihadistes de Daesh. Le lendemain, sur France Inter, Florent Krebseg, rédacteur en chef de TV5 Monde, détaille ce que l'on peut y voir. Il y a eu des messages postés de gens se présentant comme l'État islamique, on s'en prend à TV5, on a eu droit à un clip vidéo avec un poème en arabe avec des sous-titres en français, mis en musique, avec à l'image une personne masquée qui tenait un drapeau noir avec la signalétique de l'État islamique. On a eu des pièces d'identité, des passeports présentés comme des passeports appartenant à des militaires œuvrant sur des terrains extérieurs et notamment sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ça, c'est en cours de vérification. Pour Hélène Zemmour, la directrice du numérique de TV5, le casse-tête commence. Elle essaie désespérément de reprendre la main sur les réseaux sociaux. Mais pour réinitialiser les identifiants et les mots de passe, elle doit pouvoir se connecter à feu sa messagerie, toujours effacée de radar. Elle parvient finalement à joindre les directions Twitter et Facebook France qui confirment. Impossible de récupérer l'accès aux comptes piratés. Ils seront définitivement supprimés. Et le pire reste à venir. Une heure plus tard, en effet, à 21h48, ce 8 avril 2015, les serveurs qui permettent la diffusion des flux vidéo sont touchés à leur tour. Les 12 antennes de TV5 Monde affichent un écran noir. Blackout. Avenue de Wagram, le siège de la chaîne se transforme en cellule de crise. Les principaux cadres arrivent au compte-gouttes au milieu de la nuit, désemparés. Pour limiter les dégâts, les équipes techniques n'ont d'autre choix que de couper l'ensemble du réseau Internet, s'isolant ainsi du reste du monde. De son côté, le directeur Yves Bigot fait prévenir le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui envoie immédiatement CRS et des mineurs pour sécuriser le bâtiment. Car derrière ce cyber-califat plane la menace Daesh et des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère survenus 3 mois plus tôt et qui sont évidemment dans toutes les mémoires. À 1h du matin, après 3 heures dans le noir, Yves Bigot décide de s'adresser directement aux téléspectateurs avec les moyens du bord. Il enregistre un message vidéo sur son téléphone portable qu'il publie ensuite sur YouTube. Le 8 avril à 22h, heure de Paris, TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes, les 9 généralistes et les 2 thématiques, à virer à l'écran noir. Et nous avons dans le même temps perdu le contrôle de nos réseaux sociaux et de nos sites internet. L'ensemble de nos équipes travaillent d'arrache-pied depuis pour rétablir les programmes auxquels vous êtes habitués. Ces équipes travaillent d'arrache-pied en effet, car c'est une course folle contre la montre. Et quelques heures plus tard, à 5h du matin, TV5 Monde réussit à rétablir le signal. Fini l'écran noir, les 12 chaînes du groupe proposent un programme de rediffusion, en attendant mieux. Les pirates, eux, ont perdu la main. Mais c'est dans un champ de ruines numériques qu'arrivent au petit matin journalistes et politiques. Bonjour à tous. C'est du jamais vu pour un média francophone. TV5 Monde a été piraté cette nuit. Écran noir, site internet et réseaux sociaux paralysés. Attaque informatique revendiquée par le groupe État islamique. Jeudi 9 avril 2015, la cyberattaque de TV5 Monde fait la une des médias nationaux et internationaux. L'épisode est inédit, voire symbolique, car c'est l'une des voix de la France dans le monde qui a été touchée. Moins connue dans l'Hexagone, la chaîne est consultée par près de 260 millions de foyers à travers la planète, principalement en Afrique. De plus, les messages des hackers, publiés sur les réseaux sociaux, visent nommément le président François Hollande et les soldats français engagés dans la coalition militaire contre Daesh au Proche-Orient. Comme ça, c'est clair. Au lendemain de l'écran noir, ce n'est donc pas un, mais 3 ministres qui entrent dans la lumière. Devant le siège de TV5 Monde, au milieu des caméras et des policiers en armes, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Laurent Fabius des Affaires étrangères et Fleur Pellerin à la Culture sont sur le pied de guerre. Chacun y va de son commentaire pour témoigner son soutien à la chaîne et condamner, unanime, cette atteinte inacceptable à la liberté d'information et d'expression. Je reprends leurs mots. Vient ensuite le temps des annonces, avec en première ligne Bernard Cazeneuve, figure de la lutte antiterroriste. Il annonce l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, menée de concert par la DGSI, la sous-direction antiterroriste et les cyberflics de la police judiciaire. De ce côté, l'ANSSI, l'Agence nationale en charge de la sécurité informatique, rattachée au Premier ministre, a déjà envoyé 15 experts sur place. L'enquête promet d'être longue et délicate. Car si les hackers se revendiquent de l'État islamique, la provenance même de l'attaque reste à vérifier. Pourtant, le ministre de l'Intérieur ne s'embarrasse pas des précautions d'usage. À 10h du matin, il a déjà désigné les coupables. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. À l'écart du jeu politique, les experts de l'ANSSI mènent l'enquête. Comme pour une scène de crime, ils commencent par un relevé d'empreintes. Ici, dans le monde numérique, la tâche est techniquement complexe. Car pour comprendre le mode opératoire des attaquants, les enquêteurs doivent se familiariser à toute vitesse avec le matériel audiovisuel, une première pour l'ANSSI, qui intervient d'habitude au sein d'entreprises plus stratégiques. Mais à la direction TV5 Monde, on s'impatiente. Et pour cause, chaque minute qui passe sans diffusion en direct coûte des milliers d'euros à la chaîne. Le temps presse. Jamais les experts de l'ANSSI à la direction discrétion proverbiale n'ont eu à affronter une telle pression médiatique. Autant à l'extérieur, d'ailleurs, qu'à l'intérieur de la rédaction. Heure après heure, les journalistes de TV5 tentent de leur extorquer des informations. Les agents doivent calfeutrer les portes vitrées de leur salle de crise montée pour l'occasion, fuir les caméras dans les couloirs et même se réfugier sous leur bureau lorsqu'elles font irruption à l'improviste ces caméras. Et rien de filtre, ou presque. Alors, en attendant d'en savoir plus, le ménage commence. Les machines infectées sont jetées et remplacées par du matériel neuf. 5 ordinateurs où trône un autocollant explicite. Interdiction absolue et sans condition de brancher quoi que ce soit. Finalement, à 18h, ce 9 avril 2015, soit 20 heures après l'attaque, TV5 parvient à reprendre l'antenne avec un journal diffusé en direct et sans encombre. Dans les locaux de la ville de Wagram, on évoque un petit miracle. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue à tous dans 64 minutes, le monde en français. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette attaque d'envergure et inédite contre TV5 Monde, un piratage sans précédent dans l'histoire mondiale de l'audiovisuel. Les enquêteurs, eux, sont toujours sur la piste des assaillants avec cette question lancinante. Mais qui se cache derrière ce mystérieux cybercalifat ? Ce n'est pas la première fois que le groupe de hackers fait parler de lui. 3 mois plus tôt, le 12 janvier 2015, il avait pris le contrôle des comptes Twitter et YouTube du CENTCOM, le centre de commandement américain au Moyen-Orient et en Asie centrale. Il a également mis en ligne de nombreux documents présentés comme confidentiels, dont une liste de généraux de l'armée américaine accompagnée de leurs adresses. 1 mois plus tard, ce même cybercalifat revendiquait le piratage du compte Twitter de l'hebdomadaire américain Newsweek, diffusant des messages de menaces contre le président Barack Obama et sa famille. Pour autant, hier comme aujourd'hui, les liens éventuels de ce groupe avec l'organisation État islamique semblent très incertains. Comme le confirme le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, interrogé sur France Inter au lendemain de la cyberattaque. Cybercalifat, c'est une sorte de marque quelque part. On ne sait pas qui est derrière. Il peut y avoir plusieurs revendications qui se rallient à ce cybercalifat sans que ce soit les mêmes personnes. À l'inverse, on peut parfois avoir un même groupe qui prend plusieurs noms histoire de brouiller les pistes. Donc il faut être extrêmement prudent. Il faut mener l'enquête. On a des attaquants, on ne connaît pas leur niveau, soyons honnêtes. Jusqu'à maintenant, ce qu'on les voyait faire, c'était d'un bas niveau technique, mais ça suffisait à faire parler d'eux. Quelque part, au fur et à mesure qu'on va monter les barrières, ils vont sauter de plus en plus haut. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Ce que le directeur de l'ANSSI ne dit pas, c'est qu'au sein de son équipe, beaucoup doutent déjà de l'identité des assaillants. Jusque-là, les hackers du cybercalifat avaient surtout brillé par leur opportunisme, pas vraiment par leurs compétences. Or, tous s'accordent à dire que la cyberattaque de TV5 Monde est très sophistiquée, trop pour eux. D'ailleurs, les messages de propagande publiés la veille sur les réseaux sociaux de la chaîne étaient écrits dans un arabe approximatif, digne d'un traducteur en ligne. En clair, les responsables ne seraient pas forcément ceux qu'on croit. Alors qui ? Pour le savoir, les enquêteurs doivent désormais remonter la piste serveur par serveur et comprendre en détail comment les hackers ont pu pénétrer dans le réseau de TV5 Monde, détruisant quasiment tout sur leur passage. Au cours de leurs investigations, qui vont durer plusieurs semaines, les agents de l'ANSSI découvrent qu'il s'agit d'une cyberattaque préparée de longue date. L'offensive a commencé 2 mois et demi auparavant, le 23 janvier 2015. Les hackers observent, de loin, l'infrastructure de TV5 Monde. Ils remarquent alors qu'il est possible de se connecter au réseau interne de la chaîne via les caméras de plateau entièrement robotisées. Grâce à elles, ils peuvent se connecter à l'ordinateur de l'administrateur réseau, et là, c'est le Graal. Car une fois à l'intérieur, les pirates ont les pleins pouvoirs. Mais pendant plusieurs semaines, ils se font très discrets. Ils prennent leur temps pour repérer les lieux, analyser les données, traduire les éléments récoltés. Les mots-clés qu'ils saisissent sont précis. Ils veulent savoir comment est organisé et paramétré le réseau qui gère les flux vidéo diffusés par la chaîne. Depuis le début, ils cherchent à provoquer l'écran noir. Comme le confirme le directeur de TV5 Monde, Yves Bigot, interviewé par France 3 deux mois après l'événement. L'enquête est toujours en cours, mais elle semble déterminer de manière assez claire qu'une des portes d'entrée dans nos systèmes informatiques a été à travers le logiciel qui pilote les caméras automatiques que vous voyez ici. Le but avéré de l'attaque qu'a subi TV5 Monde le 8 avril au soir était de nous détruire, de nous empêcher d'émettre. Ce sera donc chose faite en cette nuit du 8 au 9 avril 2015. 8 heures de manœuvre savant 2.0. Après avoir effacé la messagerie interne de TV5 et piraté ses réseaux sociaux, les malfaiteurs procèdent à la remise à zéro de tout le matériel audiovisuel de la chaîne, ce qui engendre donc les écrans noirs. Voilà pour le mode opératoire. Mais pour le reste, motus. Les agents de l'ANSSI se refusent à tout commentaire sur l'enquête et leurs soupçons concernant l'identité des assaillants. Oh, ils ont bien une petite idée de qui se cache derrière le cybercalifat. À l'heure, en réalité. Même le directeur de la chaîne Yves Bigot n'est pas mis au parfum. Jusqu'à ce que l'information fuite. Please excuse me, but I got to ask. I only be nice because you want something. My fertile Arab princess. Be careful how you respond, 'cause you might end up. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Lundi 27 avril 2015, trois semaines après la cyberattaque de la chaîne francophone TV5 Monde, le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, convoque une réunion exceptionnelle à Paris, hôtel des Invalides. Autour de la table, les responsables informatiques de 43 grandes télévisions, radios et journaux français. Dans ce climat de cyberguerre, l'Agence nationale en charge de la sécurité informatique craint d'autres attaques dans les médias. Elle demande alors à tous les acteurs présents d'enquêter au sein de leur propre réseau, à la recherche d'éventuels virus. Un document leur est distribué, contenant des bouts de code informatique, des noms de fichiers, de serveurs et d'adresses IP retrouvées sur les réseaux TV5 Monde après l'attaque. Dans le documentaire « Espions et pirates informatiques, la cyberguerre est déclarée », réalisé par Claire Tesson et diffusé sur France 2 en mars 2020, Félix Aimé, analyste à l'ANSSI, explique le but de la démarche. On a la conviction à l'ANSSI que partager ces indicateurs en direction des différentes chaînes de médias, radio et presse, peut être intéressant pour essayer de découvrir de nouvelles attaques. La note porte la mention « diffusion restreinte ». Elle doit donc rester dans le cercle confidentiel des responsables informatiques. C'est que l'affaire est sensible. Pour un œil expert, le document distribué peut fournir de précieux indices sur l'enquête menée par l'ANSSI à TV5 Monde. Jusque-là, dans les médias, peu d'éléments ont fuité. Tout le monde s'en tient à la version officielle. L'attaque revendiquée par le cybercalifat est l'œuvre de hackers se réclamant de l'État islamique. 4 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacheur, l'hypothèse convainc forcément et les politiques confirment. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, clôt la réunion par ces mots. Les cyberattaques sont une réalité et non pas un fantasme de l'administration ou de mes services, c'est une réalité. Cette réalité, il faut la regarder en face et il faut nous doter des moyens humains, technologiques et juridiques pour y faire face. Pourtant, chez les enquêteurs, cela fait bien longtemps qu'on ne croit plus à l'implication du cybercalifat. Selon eux, l'attaque menée contre TV5 Monde est trop sophistiquée pour ce groupe qui ne maîtrise pas ce genre de technique. D'autant qu'ils savent aussi qu'en matière de cyberattaque, certains pirates sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Alors, gare aux fausses pistes. D'ailleurs, en analysant en profondeur les disques durs retrouvés, l'ANSSI, épaulé par plusieurs services antiterroristes, parvient à isoler les lignes de code suspectes. En les comparant avec celles qu'ils connaissent, ils établissent alors des liens possibles avec un groupe de hackers russophones connus sous différents pseudonymes, APT28, Fancyber ou encore Pawnstorm. Qui sont-ils ? Élément de réponse avec le professeur Tim Stevens, interviewé dans le documentaire « Les hackers russes, nouveaux mercenaires d'une cyberguerre » réalisé par Étienne Duvet en 2018. Fancyber ou APT28 est actif depuis les années 2000 de ce qu'on sait. Et ils sont intéressants parce qu'ils font ça depuis tellement longtemps. Ils sont plutôt doués, mais ils ne cachent pas toujours suffisamment bien leurs traces. Quel est l'intérêt pour APT28 Fancyber de parfois laisser des traces ? Si vous souhaitez faire quelque chose anonymement dans un but politique, il faut que ça se sache, notamment votre adversaire, pour qu'il puisse réagir d'une façon qui vous serve. Vous devez faire comprendre que c'était bien vous. Rien de trop évident qui pourrait être utilisé par un tribunal. Juste faire comprendre à votre adversaire que c'est bien vous. D'autres traces laissées par les pirates sur les serveurs de TV5 Monde permettent aux enquêteurs de confirmer la piste russe et d'écarter définitivement celle d'une attaque terroriste de Daesh. Les lignes de code ont été tapées sur un clavier en cyrillique et à des moments correspondant aux heures de bureau à Saint-Pétersbourg et Moscou. Pour des indices, ce sont de gros indices. Mais de l'ANSSI à la DGSI, on préfère taire ces étonnantes découvertes. Nulle mention n'est faite d'APT28 dans la presse, ni même, 3 semaines plus tard, dans la note remise aux 43 médias convoqués à l'hôtel des Invalides. Quelques indices, pourtant, vont éveiller la curiosité d'un journaliste de l'Express, Emmanuel Paquette. Ce spécialiste des nouvelles technologies parvient à se procurer la fameuse note distribuée, celle qui recense les empreintes numériques laissées par les assaillants. Il décide donc de mener sa propre enquête. Il transmet ses informations à 2 experts en cybersécurité qui arrivent assez rapidement à la même conclusion. Derrière le cybercalifat se cache APT28, un groupe de hackers russes. Contacté, le parquet en charge de l'affaire confirme. Et le 9 juin 2015, 2 mois après l'attaque de TV5, l'Express publie l'enquête de son journaliste. Extrait. Pour la société américaine de cybersécurité FireEye, les pirates sont liés au Kremlin et ciblent souvent des opposants au régime, des journalistes ou des organisations militaires aux États-Unis et en Europe. Leur mode opératoire est toujours le même. Ils envoient un mail piégé, très bien conçu, adressé sur la messagerie personnelle de la victime. La personne piégée se laisse berner en cliquant sur un lien et donne ses identifiants professionnels, aussitôt récupérés par les assaillants. Plusieurs organes de presse ont déjà été visés par le passé, un site d'information tchétchène, Kafkaz Center, le journal bulgare Standard News ou encore le site Alawi News. Les révélations de l'Express sont reprises dans le monde entier et viennent grossir la liste des cyberattaques imputées aux hackers russes ces dernières années, soupçonnés d'être le bras armé du Kremlin sur Internet. Mais pourquoi la Russie attaquerait-elle la France ? Eh bien, il faut se souvenir qu'à l'époque, les relations entre les deux pays sont dégradées sur fond de crise syrienne et ukrainienne. Le 9 mai 2015, par exemple, François Hollande a refusé de se rendre à Moscou au défilé de commémoration de la victoire sur le nazisme. Puis Paris a suscité la colère du Kremlin en suspendant la livraison de navires de guerre. L'un d'eux, le Vladivostok, aurait dû être livré en novembre 2014, mais il reste toujours à quai dans le port de Saint-Nazaire. Dans le Figaro, l'écrivain russe et ancien diplomate Vladimir Fedorovski regrette cette affaire. « On assiste, écrit-il, à une sorte de retour à la guerre froide. » Tout cela à l'ère d'Internet. Au goût du jour, quoi. Malgré les conclusions de l'enquête, la France ne va pas réagir officiellement. Car elle estime que si elle accuse nommément la Russie, elle se coupera de toute possibilité de dialogue avec ce pays. Elle craint également d'éventuelles représailles, de nouvelles cyberattaques, autrement plus lourdes de conséquences. La diplomatie a ses raisons que la justice ignore. Les agresseurs ne seront donc jamais désignés. Quand bien même, Moscou ne prendrait pas la peine de démentir. Et puis, que ces hackers soient mis en cause lors des élections américaines de 2016 ou celles d'Emmanuel Macron un an plus tard, cela n'empêche pas Vladimir Poutine de parader tranquillement. Voilà par exemple ce que le président russe déclarait en 2017 au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Les hackers sont des gens libres, un peu comme les artistes. Quand un artiste se lève de bonne humeur le matin, il peint toute la journée. C'est pareil pour les hackers. Au réveil, ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. S'ils sont patriotes, ils se lancent dans un combat légitime contre ceux qui disent du mal de la Russie. Les bras nous en tombent, ceux des enquêteurs aussi. À l'été 2017, deux ans après la cyberattaque de TV5 Monde, l'affaire est officiellement close, classée sans suite. Aucun hacker du groupe APT28 ne sera traduit en justice, comme c'est presque toujours le cas en matière de cybercriminalité. D'ailleurs, que les auteurs soient russes ou agissent depuis la Russie ne suffit pas évidemment à désigner des commanditaires. C'est en quelque sorte un jeu de Matryoshka. À l'intérieur d'une énigme, s'en cache une autre. Si le cybercalifat n'était qu'une façade, si les véritables auteurs sont liés à la Russie, rien ne permet de tirer des conclusions sur l'identité des véritables donneurs d'ordre. Cependant, les 5 années écoulées depuis cette affaire sont riches d'enseignements. Les pirates ont profité du manque de sécurité de TV5 Monde. La chaîne avait en effet confié de larges parties de son réseau à des sous-traitants et certaines bonnes pratiques de base n'étaient pas respectées. Au total, cette attaque aura coûté près de 20 millions d'euros à la chaîne. Mais ces manquements se retrouvent à l'identique dans la plupart des grandes entreprises françaises, comme le soulignent les agents de l'ANSSI. L'attaque contre TV5 Monde a également nourri les inquiétudes de ces experts de l'État. L'un d'eux explique, et je le cite, « Jusqu'à aujourd'hui, aucun attaquant n'a réellement voulu faire des morts en France, mais gardez à l'esprit qu'un jour, ça pourra faire très mal. » Nous voilà prévenus. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la cyberattaque contre TV5, événement dont nous allons parler avec notre invitée Claire Tesson. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes journaliste, réalisatrice et auteur de nombreuses enquêtes. En mars dernier, pour l'émission Cellule de crise sur France 2, vous avez signé le documentaire intitulé « Espions et pirates informatiques, la cyberguerre » et déclaré. Alors la cybercriminalité, c'est un monde opaque par définition, complexe, où la dissimulation est la règle. J'imagine que par nature, c'est difficile d'enquêter sur ce genre de sujet. Effectivement, vous imaginez bien, c'est pas évident d'enquêter dans ce domaine pour deux raisons. D'abord parce que le cyberespace est un peu le Far West. Tous les coups semblent permis car c'est facile pour les hackers de se cacher derrière leurs ordinateurs. Et c'est donc très compliqué pour les enquêteurs de remonter jusqu'aux auteurs des cyberattaques. Et la deuxième raison qui complique un peu la tâche quand on enquête dans ce domaine, c'est que les sources et les contacts sont vraiment des gens de l'ombre qui n'ont pas intérêt à communiquer sur leur travail. Qui ne sont surtout pas habitués à s'exprimer devant des caméras. Mais j'ai quand même eu la chance de parler à des experts de l'ANSSI, donc l'Agence nationale qui est en charge de la sécurité informatique des entreprises et des organisations vitales à la nation. Et puis aux militaires aussi du commandement de la cyberdéfense, dont le rôle est de défendre la France d'éventuelles cyberattaques. Alors, cette cyberattaque contre TV5 Monde, c'est une cyberattaque contre la France, puisque c'est, entre de gros guillemets, la voix de la France à l'étranger, même si elle est indépendante éditorialement, évidemment. Donc elle est exceptionnelle, cette cyberattaque. Vous commencez votre documentaire, d'ailleurs, en disant qu'elle est exceptionnelle. Oui, en fait, c'est la première fois que le grand public et même la classe politique réalise qu'une cyberattaque peut avoir des conséquences très concrètes. Ici, c'est un écran noir, donc c'est extrêmement visible. Donc c'est un peu c'est un peu le rideau qui se déchire et puis symboliquement, vous l'avez dit, c'est très très fort. Alors, sans entrer dans des détails techniques que nos auditeurs ne pourraient ne pas comprendre, nous ne sommes pas entrés dans ces détails-là, les hackers, pour infiltrer le système informatique de TV5. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en des termes faciles à comprendre pour tout le monde ? Oui, alors pour faire simple, la chaîne TV5 Monde fait appel à un prestataire extérieur pour gérer à distance les caméras robots qui sont sur son plateau, qui servent à filmer les émissions de télé. Ce prestataire est hollandais et il est surtout imprudent. Il se serait connecté à plusieurs wifi d'aéroports et d'hôtels assez peu sécurisés lors de ses voyages d'affaires. Les hackers en auraient donc profité pour déposer leur virus sur l'ordinateur de ce prestataire, qui à son tour, en faisant la maintenance des réseaux et des caméras, va infecter le réseau de TV5 Monde et ensuite le virus va remonter sur toutes les machines du réseau. L'ANSSI, je crois, avait alerté TV5 Monde sur la faiblesse de son système de sécurité. Ça veut dire que la chaîne avait sous-estimé la possibilité d'une cyberattaque ? C'est difficile, je trouve, aujourd'hui, en 2020, de dire que TV5 Monde a sous-estimé la possibilité d'une attaque. À l'époque, en 2015, en fait, on est très loin d'imaginer que des hackers, surtout des hackers russes, aient l'intention de faire tomber une chaîne en écran noir. Voilà, donc c'est assez difficile de leur jeter la pierre aujourd'hui derrière le micro. En revanche, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que le réseau informatique de TV5 Monde était insuffisamment protégé. Ce que j'ai observé au cours de mon enquête, c'est que il y avait des problèmes dans la gestion de la configuration de certaines machines avec des mots de passe, des identifiants un petit peu trop simples qui auraient facilité le travail des hackers. Vous me dites si je me trompe, mais dans votre documentaire, je crois qu'on peut voir un extrait d'une interview d'un journaliste réalisé dans son bureau, avec en arrière-plan assez visible, un papier où sont inscrits les codes d'accès à son ordinateur. Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est une interview qui avait été faite à l'époque au moment de la cyberattaque, qui avait été diffusée sur France 2 d'un journaliste de la chaîne. Effectivement, il y a un post-it derrière avec des mots de passe, des identifiants pour se connecter au YouTube de la chaîne, mais c'était des codes qui étaient en fait obsolètes, donc qui ne donnaient accès à rien du tout finalement. Mais c'est assez polémique à l'époque et le directeur de la chaîne et la directrice du numérique ont dû un peu monter au créneau pour se défendre face à cette polémique. Alors, on va passer la parole pendant une minute à Christophe Naudin, criminologue, spécialiste des affaires de sûreté. Il est interrogé le 9 avril 2015 sur le plateau du JT de France 2. Écoutez ce qu'il nous dit.

Dans l'émission Affaires Sensibles, notre invité Claire Tesson, avec qui nous parlons de la cyberattaque contre TV5 Monde. En 2015, l'enquête a pu pointer la responsabilité d'un groupe de hackers russes derrière cette cyberattaque, peut-être même commanditée par le Kremlin. En tout cas, les Russes auraient fait porter le chapeau à Daesh. On a évoqué les relations tendues entre la France et la Russie à cette époque. Est-ce que c'est une raison suffisante ? Alors, cette cyberattaque, certains diplomates l'interprètent aussi comme une démonstration de force, un moyen pour la Russie de dire à la France, attention, l'arme informatique, nous l'avons, et nous n'avons pas peur de nous en servir s'il le faut, donc il faudra compter avec dans les relations diplomatiques, et faites attention à vous. C'est peut-être aussi un moyen pour la Russie de tester des nouveaux virus, donc la France peut être aussi un terrain d'essai. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, le justifie dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Avec un certain cynisme qui d'ailleurs lui ressemble beaucoup. C'est une guerre, c'est le miroir sans teint en fait, cette guerre informatique. C'est terrible parce qu'on ne voit pas qui nous agresse, les agresseurs nous voient eux réagir. Oui, exactement. C'est une guerre vraiment de l'ombre qui paraît, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les coups sont permis puisque c'est très compliqué de remonter aux auteurs, d'autant plus parce que la Russie utilise bien souvent des mercenaires qu'elle paye et qu'elle recrute pour agir pour son compte. Donc c'est compliqué de faire le rapprochement entre ces mercenaires qui agissent dans leur chambre de partout dans le monde avec le Kremlin. Mais alors, j'ai envie de dire, si les Russes ont ce genre d'armes, est-ce que les autres pays qui comptent dans ce monde ont aussi ces armes-là et s'en servent ? Oui, alors les grandes puissances ont des armes informatiques à la hauteur de celles de la Russie, même si on dit que la Russie est vraiment en pointe. Oui. Il y a Israël aussi qui est très en pointe dans ce domaine. La seule chose, c'est que nous, par exemple, en France, on n'a pas du tout la même politique, on est beaucoup moins invasif, on est plus dans le défensif et on se fixe des règles. Un peu, il y a la Convention de Genève qu'on s'applique pour la guerre, on l'applique dans le cyberespace, alors que la Russie a moins de scrupules, on peut dire. Dans la suite de votre documentaire consacré à la cyberguerre, vous enquêtez également sur une autre attaque massive, survenue celle-là en juin 2017, qui a déstabilisé un pays, coûté des milliards de dollars à des multinationales, dont le français Saint-Gobain. On avait appelé cette attaque NotPetya, hein, une vague massive de rançongiciels, on peut utiliser ce néologisme. On peut revenir là-dessus, parce que c'est effectivement là une attaque à grande échelle. NotPetya, en fait, c'est l'histoire d'un virus informatique développé, encore une fois, par la Russie pour déstabiliser l'Ukraine. Souvenez-vous, à l'époque, on est dans un contexte de guerre de Crimée. Donc, l'arme informatique est une véritable arme de guerre. Les hackers russes ont caché leur virus dans un logiciel de comptabilité ukrainien qui est utilisé par un grand nombre d'entreprises et d'institutions dans le pays pour déclarer leurs impôts. Lorsque ces entreprises vont mettre à jour ce logiciel qui s'appelle MEDoc, elles vont se faire infecter par le virus. Donc jusque-là, ça reste en Ukraine, sauf qu'avec la mondialisation, eh bien, toutes les multinationales, enfin beaucoup de multinationales qui ont des filiales en Ukraine vont aussi être infectées par ce virus via leurs filiales. Donc c'est comme ça que le virus s'est propagé à travers le monde entier. Alors vous avez parlé d'une vague massive de rançongiciels, c'est ce qu'on croit au départ, parce que sur les ordinateurs infectés, il y a un message de demande de rançon qui s'affiche, de type « si vous payez $300 en bitcoin, vous retrouverez vos données qui seront décryptées. Or, ça, c'est qu'une apparence, parce que dans les faits, on n'a pas la possibilité de payer et encore moins la possibilité de retrouver ces données. Donc c'est ce qu'on appelle un wiper, un logiciel purement destructeur. Et donc les multinationales qui sont touchées vont devoir reconstruire leur système informatique à partir de zéro. C'est pour ça que ça va coûter des milliards de dollars. Et que sait-on des interférences réelles ou supposées des Russes lors des élections américaines, les dernières, il y a presque 4 ans maintenant, et des dernières élections françaises ? Alors moi, j'ai pas enquêté sur ces deux éléments. C'est très compliqué, donc je m'aventurerai pas à faire des supputations sur la chose parce que je suis pas experte sur ces deux affaires. Oui. Mais effectivement, on a parlé de l'implication russe et il y a encore des médias et des enquêteurs qui travaillent là-dessus. Mais je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement. Alors, il faut savoir que des hôpitaux peuvent être aussi touchés par la cyberguerre, comme la clinique Boris en Ukraine. Hein, la cyberattaque menace des vies. Comment témoigne cette interview que nous allons écouter ensemble de Elena Bautier, chef de l'unité de soins ambulatoires, extraite de votre documentaire. Un patient avec une insuffisance coronarienne est arrivé. Cela signifie que l'activité de son cœur souffrait de dysfonctionnement. Il pouvait décéder à n'importe quel moment. Ce patient avait besoin d'une hospitalisation immédiate. En plus de 30 ans d'exercice, le docteur Yelena Botiai n'a jamais connu une telle panique. Tout le système informatique de la clinique est hors service. Les plannings des médecins et les dossiers des patients se sont volatilisés. Il était très important de vérifier si ce patient avait déjà eu des problèmes cardiaques auparavant, parce qu'il était assez jeune et qu'on devait éviter des erreurs. Il nous fallait savoir quels médicaments il prenait et quels examens il avait déjà fait. Là, il nous dit « Vous avez toutes ces informations dans votre base de données ?» Sauf que nous n'avions plus cette base. Bon, on n'est pas là pour s'amuser à faire peur aux gens, à nos congénères, mais enfin, cyberattaque dans des hôpitaux, ça c'est quand même tout à fait effrayant. Ah oui, c'est vraiment effrayant. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'est devenu ce patient. La médecin de la clinique Boris non plus, parce qu'étant donné que tous les systèmes informatiques étaient à plat, que les communications téléphoniques ne fonctionnaient plus, elle n'a pas pu retrouver la trace de ce patient qui avait des problèmes cardiaques et qui a été transféré, donc il s'est un peu volatilisé dans la nature. Alors effectivement, ça fait peur et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, les autorités prennent extrêmement au sérieux l'ANSSI notamment, dont c'est le rôle, ce genre d'attaque et font vraiment un focus là-dessus et de beaucoup de travail avec les différents centres de santé, établissements de santé. Et donc là, l'Ukraine a été touchée, mais alors c'est dans un contexte assez particulier avec son conflit avec Moscou, donc on peut imaginer qu'en France, ça se passe aussi, qu'on puisse s'attaquer au système de santé français, aux hôpitaux, par des cyberattaques. Alors, les experts de l'ANSSI, à l'époque de mon enquête, m'avaient fait part de leur inquiétude face à ce que les experts appellent le cyber-ouragan. Ça serait une attaque massive de grande ampleur qui toucherait plusieurs infrastructures en même temps. Donc, par exemple, les transports, les hôpitaux, la signalisation. Donc, vous imaginez si tous les feux sont verts en même temps, voilà ce que ça peut provoquer. Et si derrière, les hôpitaux sont down, aussi à plat, ça peut être vraiment très très compliqué. Donc ça, c'est la peur du cyber-ouragan. Voilà, les experts travaillent là-dessus. Sur ces scénarios catastrophes, oui, ça fait peur, mais si il faut tout un chacun déjà commencer par respecter soi-même les mesures de base de l'hygiène informatique. Et il y a des... Des actions collectives, des soutiens entre pays. Est-ce qu'il y a des collaborations entre pays qui seraient des... Oui. Au plan européen, les différents services, l'ANSSI et ses collaborateurs étrangers travaillent beaucoup et notamment se préviennent quand elles voient des choses étranges sur des serveurs étrangers. Notamment la France, en fait, a été prévenue par l'Allemagne et on est passé on a évité de justesse une cyberattaque sur les réseaux mail, les boîtes mail de l'armée. Ça, c'était récemment, en 2018. L'Allemagne a prévenu la France en disant, voilà, attention, il y aurait une cyberattaque en cours sur vos boîtes mail, donc faites en sorte de changer vos mots de passe, etc. Donc oui, la coopération internationale est extrêmement importante en matière de cybercriminalité et de cyberattaque. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Claire Tesson. Je rappelle que vous êtes journaliste, réalisatrice, auteur de nombreuses enquêtes et que vous avez signé le documentaire Espion et pirate informatique, la cyberguerre est déclarée, dont nous avons écouté quelques extraits pendant le récit. Merci, au revoir. Merci Fabrice Rouel. Au revoir.